6, c'est 1. Pardon, madame. Oui ? Je cherche l'hôtel de ville. Pourriez-vous... Oui, bien sûr. Il est sur la place du château. Merci. Je vous en prie. 2. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où est la poste ? La poste ? Oui. Oui, elle est tout près d'ici, dans l'avenue Jean Jaurès. Vous savez où c'est ? Oui. Merci. De rien. 3. Excusez-moi, madame, vous êtes d'ici, d'Auroch ? Oui. Je cherche un petit restaurant qui s'appelle Le Canard Blanc. Ah, c'est facile. C'est dans la rue Gambetta, à 100 mètres d'ici. Près de l'office du tourisme ? Oui, c'est ça. Ben merci. Au revoir. Au revoir. 4. Pardon, monsieur, vous pouvez m'indiquer où est la gare routière ? Oui, c'est dans la rue de la gare, au bout de la rue. À côté de la rivière ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Merci. Au revoir. Au revoir.